Que ça allait déboucher sur cette guerre que vous voyez en Algérie, non, pas du tout. Pas du tout, je parlais avec mes parents, ils ont dit, oh, bah, ça sera vite, parce qu'il y avait eu déjà, en 45, il y avait déjà eu des événements. Mmh. En 45, les pieds noirs, ils en ont tué, je sais plus si c'était dans les 40 000 arabes qui se sont révoltés. Mmh. Ah oui, c'est exact aussi,